Bonjour ou bonsoir, chers auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro. Ça dépend de l'endroit où vous vous situez. Bienvenue dans Mosaïque. En date du 31 janvier de l'année en cours, l'année 2023, le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a adressé une correspondance au gouverneur des provinces et au maire de la ville de Bujumbura, leur indiquant certaines mesures à prendre en compte. Ces autorités administratives sont appelées à laisser les partis politiques exercer librement et organiser des réunions en toute liberté. Ici, le ministre n'a pas oublié de signaler que ces formations politiques ne demandent pas de permission, mais qu'ils informent à qui de droit. Cette correspondance montre que ceci a été demandé par la population lors de la tournée des membres du gouvernement à l'intérieur du pays pour s'enquérir de la vie des citoyens burundais. Mosaïque axe sur le fonctionnement des partis politiques tout en mettant l'accent sur l'ouverture de l'espace politique cas de l'organisation des réunions et meetings publics. Est-ce qu'aujourd'hui les formations politiques fonctionnent librement? Quelle est la valeur ajoutée de cette correspondance du ministre en charge de l'Intérieur? Y aurait-il des problèmes qui hantent toujours les partis politiques? Qu'est-ce qui devrait être fait pour que le fonctionnement des partis politiques soit une réalité sur terrain pour renforcer la démocratie? Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes au plateau avec quatre invités. Honorable Félicien Douburundi, vous êtes membre influent du parti CNDD-FDD, parti au pouvoir, et président du Forum des partis politiques. Bienvenue dans Mosaïque. Et bonjour, merci de m'avoir invité et merci à tout le monde et qui nous sommes ensemble et tous les auditeurs. Nous sommes également avec Honorable Gaton Gwassa. Vous êtes député et président du parti CNL. Bienvenue dans Mosaïque. Merci pour m'avoir invité. Et je salue tout autant mes collègues ici sur le plateau et tous les auditeurs et auditrices de Radio Isanganiro. Le troisième invité, il s'agit de l'honorable sénateur Ernest Nahimana, porte-parole du parti du Prona. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour, merci de l'invitation. Et je salue aussi à tous ceux qui sont à l'écoute de cette émission. Nous sommes avec le quatrième invité, professeur Denis Vanchimouyiboussa, docteur politologue, et pour ne citer que cela, expert des partis politiques. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Merci de l'invitation et bonjour à tout le monde. François Akimana sur la mise en onde, à la prise des images, Innocent Vivonimana, à la réalisation, c'est Alain Désiré Boukieneza à l'animation de ce débat. Vous retrouvez Evariste Nzikobanyangra. Mosaïque. Sans tarder, la première question à l'honorable Gaton Gwassa, député président du parti CNL. Vous avez vu la correspondance du ministre. Comment est-ce que vous l'interprétez? La correspondance du ministre est venue à point nommé parce qu'effectivement, les partis ont été lésés dans leurs droits par les administratifs qui, au niveau provincial, qui au niveau communal, zonal ou collinaire, des fois. Et donc, pour nous, nous avons bien accueilli cette correspondance du ministre qui n'est en fait qu'un rappel à l'ordre parce que la loi le dispose déjà et que les partis puissent s'organiser librement conformément aux dispositions légales en vigueur. Ici, je cite nommément la Constitution qui reconnaît le multipartisme comme système politique de notre pays. Je cite la loi régissant les partis politiques et la loi relative aux manifestations et réunions sur la place publique. Ces trois textes légaux sont, on ne peut plus clair, quant aux droits et devoirs des uns et des autres. Et de surcroît, le ministre rappelle ce qui est normalement un fait établi, parce qu'un parti qui est agréé n'a pas besoin de demander d'autres autorisations pour fonctionner. L'agrément, c'est l'autorisation de fonctionnement d'un parti politique. Et donc, l'abus du pouvoir aura fait que effectivement le ministre songe à faire son rappel à l'ordre, parce que des fois il y a des administratifs qui vous demandent de leur donner l'ordre du jour, qui vous demandent de ceci ou cela, on vous oppose des raisons qui sont diamétralement opposées aux dispositions légales en vigueur. Donc nous avons accueilli favorablement cette interpellation du ministre de l'Intérieur qui gère les partis politiques. Et maintenant, la question que l'on peut se poser, est-ce que ceux qui ont été rappelés à l'ordre vont obtempérer ou vont persister dans les agissements qui sont contre nature? Voilà, c'est là où l'on reste un peu perplexe. Sinon, nous disons que c'est une bonne chose. Et si les gouverneurs qui ont été interpellés s'attellent à faire respecter l'ordre et la loi auprès de leurs subalternes, administrateurs, je veux dire, chefs de zone et de colline, ça sera un coup de pouce à la démocratie dans notre pays. Ça sera un coup de pouce dans la démocratie dans notre pays. Vous avez longtemps décrié des situations d'interdiction de réunion. Aujourd'hui, on peut dire que c'est du mieux tard que jamais. Eh bien, nous sommes dans un processus. Nous sommes dans un processus. Si tout au moins il y a une autorité qui puisse rappeler à l'ordre, c'est déjà grand-chose. Le reste, c'est l'écho que cela va produire auprès de ceux qui ont été interpellés par le ministre. Et ça ne sera que notre satisfaction si jamais il y a respect de cet ordre qui émane de l'autorité hiérarchique. Oui, il y a le forum des partis politiques qui a suivi l'état des choses, l'état des lieux. Voilà une correspondance du ministre qui rappelle à l'ordre. Comment est-ce que vous avez accueilli une telle correspondance? Alors, merci beaucoup. Moi, je dirais que le contenu de la correspondance était déjà en vigueur. Il y avait la constitution, il y avait la loi sur les partis politiques, il y avait le code électoral. Et ce qu'il a écrit dans la correspondance était déjà en vigueur. Seulement, certains administratifs à la base passaient outre mesure ou passaient outre la loi. Ils étaient animés ou ils sont animés par l'esprit d'excès de zèle. Excès de zèle. Oui. Donc il y a eu deux poids, deux mesures. L'autorité, la haute autorité donne des ordres et à la base, on n'obtempère pas. Et certains, ils sont animés soit dans l'esprit de rébellion. C'est ce que nous avons constaté dans les rapports des différents partis politiques qui fournissent au niveau du forum. Et ça se remarque. Ouais. Et ils n'ont pas été punis, pourquoi? Bon, beaucoup de facteurs entrent en jeu. Ça dépend des circonstances politiques et dans lesquelles le pays a évolué. Oui. Ça dépend des individus personnellement. Voilà, ce que je peux dire. Ça n'a pas été l'ordre du parti au pouvoir? Non. Du parti au Aucun pouvoir. Parti politique ne peut tenir une réunion disant d'empêcher le fonctionnement d'un parti politique. Cela ne peut pas se faire. Ça peut être de bonne guerre en politique? Non. Empêcher ce serait une imprudence. Ça serait une imprudence. Oui. Oui, nous sommes autour de ce plateau avec Ernest Nahimana, sénateur et porte-parole du parti IPRUNA. Vous avez jeté un coup d'œil sur la correspondance du ministre. Elle est venue à point nommé. Oui. Elle est venue à point nommé. Nous l'avons accueillie. Vraiment, nous avons été satisfaits de cette correspondance. Et comme on l'a déjà signalé, on attend la mise en place, l'exécution de l'administration qui a été interpellée. Sinon, comme Félicien l'a signalé, qu'il y avait des plaintes de certains partis politiques, je crois qu'à ce qui nous concerne, au niveau provincial, on n'avait pas de problème, on n'a pas de problème. Même au niveau communal, ce n'est que au niveau collinaire ou dans des zones qu'on a été une ou deux fois empêché de faire des réunions. Mais sinon, l'administration va corriger, c'est ce qu'on espère, va corriger à base de la correspondance du ministre. Oui, on entend que des plaintes côté IPRONA se résident au niveau de la base, mais dans les instances de prise de décision, il n'y a pas de problème. Celui qui dirait que l'IPRONA est enfin chéri du CNDD-FDD ne serait pas trompé. Non, du tout. Bon, l'IPRONA est un parti politique, ouais, parmi les autres, et il a de bonnes relations avec le parti au pouvoir. Mmh. Que ce soit dans l'exécution des programmes, si un parti a gagné et qu'il a un programme. Si on se trouve dans l'administration, là où on aide à mettre en exécution le programme du parti au pouvoir. Qui a gagné les élections. Mais je crois que dans l'administration, on n'y est pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de membres qui sont dans l'administration. Mais toutefois, les relations qui se trouvent entre l'IPRONA et le parti au pouvoir, sont de bonnes relations. Mmh. Ouais. Donc on laisse l'IPRONA exercer au niveau de la base. Au niveau de la base, j'ai dit qu'on a des problèmes. Oui. Oui, c'est pourquoi on avait souhaité, comme les autres partis, qu'il y ait correction, qu'il y ait enseignement de la loi au niveau des administratifs collinaires ou zonales. Sinon, au niveau communal et aux provinces, là, les administratifs comprennent très très bien les réunions qui sont tenues par notre parti. Oui, merci sénateur Ernest Nahimana pour tes paroles du parti IPRONA. Nous avons eu la chance d'être avec docteur ambassadeur Denis Bashimiyoussa, professeur de sciences politiques à l'Université du Burundi, spécialiste des partis politiques et des élections. Vous avez entendu parler de la correspondance du ministre. Il rappelle à l'autre, au gouverneur et au maire de la ville de Bujumbura, de laisser les partis politiques fonctionner librement. Comment est-ce que vous aussi vous interprétez une telle correspondance au moment où on sait qu'il y avait d'autres lois, notamment la Constitution? Oui, c'est vrai. J'ai bien lu et relu la correspondance du ministre de l'Intérieur ayant la gestion des partis politiques et dans ses attributions. Mon analyse, d'abord au niveau de la forme. C'est un point parmi une vingtaine ou une trentaine de points que contient la correspondance. Donc, à ce niveau, on pourrait penser que ce n'est pas un point qui le préoccupe plus que les autres. C'est un point parmi tant d'autres. Donc au niveau de la forme, c'est un point noyé parmi tant d'autres. Oui, c'est le point 9. C'est le point 9. Et au niveau du fond, c'est là alors où il faudrait quand même avoir quelques interrogations. Les interrogations que l'on pourrait avoir notamment, c'est de se poser la question de savoir comment on en est arrivé là-bas. Puisque comme vous le dites et comme nous le savons, il y a la constitution de la République du Burundi, la loi mère, la loi fondamentale, qui reconnaît le multipartisme en République du Burundi. Il y a la loi régissant l'organisation et le fonctionnement des partis politiques, qui est un texte d'application de la constitution. Et toutes ces lois, tous ces textes de loi, pèsent lourd par rapport à une simple correspondance du ministre. Mais pourquoi est-ce que ces deux textes de loi n'avaient pas été mis en application, n'avaient pas été respectés? Pourquoi? Comment est-ce qu'on en est arrivé là-bas? C'est ça la question de fond qu'il faudrait se poser. Il ne faudrait pas seulement prendre le superficiel. Il faut entrer en profondeur, d'après moi. Tout à l'heure, le président du FDP, honorable Félicien Ndoburundi, a parlé de l'excès de zèle à la base, qui a empêché les partis politiques exercer librement. Peut-être oui, mais il faudrait aussi nuancer. Moi, je me penche plutôt vers le régime politique dans lequel notre multipartisme exerce son activité. Alors, comme je le disais, selon la constitution de la République du Burundi, le multipartisme est reconnu en République du Burundi. Mais sur le terrain, nous observons le contraire. C'est-à-dire que sur le terrain, nous sommes dans un monopartisme de fait ou un monopartisme de facto. C'est-à-dire, il n'y a qu'un seul parti qui exerce librement ses activités, son parti et peut-être ses partis alliés. Mm-hmm. Alors, là, si on est dans un système de monopartisme de facto, il va avoir une cause profonde qui va justifier cet état de lieu. C'est-à-dire, d'abord, c'est le fait de vouloir bloquer les autres partis politiques, mais beaucoup plus cela, beaucoup plus important que cela, c'est que dans un monopartisme de facto, la primauté revient au parti et non à l'État. C'est-à-dire, c'est le parti qui est au-dessus de l'État. Autrement dit, si un administrateur communal peut trouver qu'une activité d'un parti politique peut se dérouler normalement, mais le responsable du parti au pouvoir peut venir et dire « ce n'est pas possible » et l'activité n'aura pas lieu. Mmh. C'est ça la suprématie du parti au pouvoir par rapport à l'administration, par rapport à l'État. Alors, c'est ça la cause profonde. C'est le principe ou bien c'est la réalité sur terrain? C'est le principe et en même temps, c'est la réalité sur le terrain parce que même dans d'autres activités de la vie du pays, s'il y a un petit litige au niveau d'un quartier, au niveau collinaire, la primauté, le grand respect est accordé aux responsables du parti CNDD-FDD dans la localité. Mmh. Les administratifs peuvent être présents, mais tant que le responsable du parti CNDD-FDD n'est pas encore arrivé, eh bien, on ne se penche pas vers le litige. Donc, c'est un principe qui est mis en application et qui se trouve comme réalité sur le terrain. Et ce principe, pour se mettre en œuvre sur le terrain, est soutenu par le fait que si vous voulez avoir quelque chose dans l'administration même, par exemple en poste ou par exemple en service, vous passez d'abord par le responsable du parti au pouvoir. C'est comme ça que les choses se font. Voilà. Donc, Félicien de Burundi ne va pas dire le contraire. Il a dit tout à l'heure, mais j'aimerais savoir, monsieur le politologue, les partis voulant organiser des réunions, demandent-ils autorisation ou bien ils informent? Non, comme la correspondance du ministre l'a rappelé, c'est une information qui doit se faire, la correspondance doit se faire au plus tard 72 heures avant la tenue de l'activité. Ouais. Et l'administration du lieu, alors, a le devoir d'examiner si les conditions pour cette activité sont remplies. Et puis, si rien n'empêche la tenue de cette activité, eh bien, l'administration locale du lieu, je vais dire, va sécuriser, va tout faire pour que l'activité se passe en toute sécurité. Donc, on n'a pas à demander permission, on n'a pas à demander autorisation, parce qu'au Burundi, nous sommes dans un système de multipartisme où le parti politique fonctionne avec ce que nous appelons une autorisation préalable. C'est-à-dire, là où on dépose le dossier au ministère de l'Intérieur, on demande une autorisation préalable. On ne peut pas aller sur le terrain si on n'a pas cet agrément. C'est ce que nous appelons l'agrément. Communément, nous l'appelons agrément. En termes techniques, ça s'appelle autorisation préalable. Avant de fonctionnement. Donc, aussitôt que vous avez cette autorisation qui vous donne le plein droit d'aller sur le terrain, eh bien, les pouvoirs publics, l'administration locale ne fait qu'obtempérer ce qui a été décidé par le ministre. Voilà. Oui, et tout à l'heure, Félicien de Burundi, président du FTP, a indiqué que des plaintes qu'il a reçues émanant des responsables de partis politiques explique à suffisance que certaines organisations politiques n'ont pas été permises d'obtenir des réunions, des meetings. Je ne sais pas si Agathon Rwasa et son parti politique auraient eu des permissions d'obtenir de ces réunions. Est-ce qu'Agathon Rwasa, le terrain est verrouillé ou il est déverrouillé? Non, je crois que le parti CNL est la première victime de ce genre d'agissement. Vous avez mis au courant Félicien Dobroti? Non, parce que nous ne sommes pas membres du forum. Mm-hmm. Mais de toute façon, que l'on soit du forum ou pas, les droits des partis politiques sont plutôt dans les lois de la République du Burundi. Et par rapport à cela, on a eu des déboires ici et là. Des fois, il y a eu l'intervention de celui-ci ou de celui-là pour que la situation se débloque. Mm-hmm. Et je pense que même le ministre qui a adressé cette correspondance au gouverneur de province, à un moment donné, j'ai dû le saisir lorsqu'il était encore secrétaire permanent. Mm-hmm. Je devais rencontrer les comités du CNL dans les communes de ma province, à commencer par ma commune natale. L'administrateur avait tout bloqué et n'eût-ce été l'intervention du secrétaire permanent qui est actuellement le ministre, on n'aurait pas pu avoir de ces activités. Et donc, ceci pour vous dire que ce qu'il a écrit là, il est témoin à certaines occasions. Je peux vous dire encore une fois que le ministre, quand il était encore secrétaire permanent, à un moment donné, nous avions organisé une descente en tant qu'élus du peuple pour aller rencontrer nos élus communaux à travers tout le pays. Question en fait d'échanger sur comment jouer notre rôle et satisfaire davantage les populations de nos communes respectives. Et quelque part, certains administratifs, certains gouverneurs avaient refusé. Il a fallu qu'ils interviennent pour qu'ils leur disent, écoutez, mais ça, c'est de droit. D'abord, ce sont des élites du peuple qui vont rencontrer d'autres élites du peuple pour parler de leur rôle de représentants de la population. Comment est-ce que vous bloquez ça? Donc, ceci pour vous dire que je ne veux pas égrener tous les cas que nous avons connus. Mm-hmm. Et là, je vous dis deux cas où quand même la situation a été débloquée. Mais il y a plusieurs cas où la situation a été vraiment sans précédent, où on a été obligé d'abandonner nos activités. Mmh. Et ça, c'est surtout au territoire national, soit au niveau communal, soit au niveau provincial, en deux endroits, oui. Mais ces cas sont vraiment légion. Et donc, que le ministre procède à rappeler à l'ordre, c'est une très bonne chose. Et tout ce que l'on peut demander, c'est que effectivement les administratifs au niveau territorial et au niveau local puissent quand même comprendre que nous sommes dans un état de droit. Il y a des informations qui ont circulé officieusement, disant que au Burundi, c'est le monopartisme qui fait la loi et non la démocratie. Bon, vous savez, la démocratie, c'est un concept un peu difficile à circonscrire. Mm-hmm. Parce que même au sein d'un système monopartite, on parle de démocratie. La démocratie, oui, la démocratie, ce n'est pas l'équivalent du multipartisme, mm-hmm. mais plutôt c'est par rapport à comment les droits et libertés sont exercés dans une communauté. Mm-hmm. Et pour le cas du Burundi, la loi qui est là, la loi mère, la constitution, reconnaît le multipartisme. Donc par rapport à la loi, nous sommes dans un état à démocratie multipartite. Dans les faits, c'est ce qu'a démontré le professeur, nous sommes dans un monopartisme de fait. La réalité, c'est qu'il y a un parti qui veut s'accaparer de tout et refuser aux autres de fonctionner. Donc c'est ça la triste réalité. Et si le ministre plaide à ce que le prescrit de la loi soit respecté, c'est pour que justement ce multipartisme reconnu par la loi soit vécu dans les faits. C'est ce que nous souhaitons et nous encourageons les administratifs à emboîter le pas à l'esprit de cette lettre du ministre. Félicien de Burundi, vous êtes président du FDP. Agathon Gwasa vient de dire qu'il y a des gens, je dirais, qui sont du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui ont l'intention d'instaurer le monopartisme, qui ne veulent pas les autres partis politiques fonctionner. Voulant occuper les devants toujours, tout à l'heure, le sénateur l'a évoqué, qu'à la base, on empêchait le parti prônant d'exercer. Qu'est-ce que vous en dites? Comment est-ce qu'on peut sortir de cette impasse dont Agathon Gwasa vient de pointer du doigt? Alors, ne collez pas toutes ces appréhensions au parti CNDD-FDD. Non, peut-être ce sont des individualités. Certaines individualités peuvent prendre des initiatives qui ne sont pas heureuses, mais malheureuses. Alors, c'est à ces individualités qu'on doit essayer de suivre, s'il le faut, donner des conseils pratiques. Parce que il n'y a aucun parti politique agréé officiellement qui peut donner des instructions disant de faire ceci ou ceci. Cela serait vraiment contre la loi. Alors, je dirais que ce sont des individualités qui se dérobent de la loi et qui font des initiatives malheureuses pour des fins personnelles, que je ne dirais pas pour des fins du parti au pouvoir. Je vous remercie. Et pourquoi ces actes sont passés inaperçus durant plus de 10 ans? Bon, je l'ai dit auparavant, ça dépend des facteurs ou bien des circonstances politiques que le pays dans le temps est passé. Encore, j'ajoute, nous venons de passer plus de 10 ans dans la crise. Alors, certains ou bien certaines ont été traumatisés. Alors, on évolue petit à petit. Voilà. Donc, selon vous, la correspondance du ministre de l'Intérieur va changer quelque chose? Oui, c'est comme tout le monde l'a dit, c'est un appel à l'ordre. On imagine que ça va changer. Oui. D'accord. Oui, monsieur le sénateur porte-parole du parti Pruna, Ernest Nahimana, selon vous, la correspondance du ministre va avoir une valeur ajoutée par rapport à la situation actuelle? C'est ce qu'on espère. Au vu de cette correspondance, nous nous sommes dit peut-être demain les choses vont changer. Même les administratifs à la base vont être touchés par les autorités supérieures pour leur donner des orientations afin qu'ils puissent laisser le terrain aux partis politiques, puisque c'est la loi qui le permet. On l'espère bien. On encourage aussi l'administration provinciale, surtout à mettre au clair, à toucher même les administratifs à la base, puisque il y en a qui le font par mes connaissances de la loi. C'est pourquoi on demanderait à ce que la loi soit enseignée à tous les administratifs. Oui, docteur ambassadeur Denis Bashimiyousa, professeur de sciences politiques à l'Université du Burundi, spécialiste des partis politiques et des élections. Comment est-ce que les partis politiques doivent se comporter, surtout dans cette rubrique d'organisation des réunions et d'autres rencontres? Est-ce qu'il n'y aurait pas de manquement de la part des partis politiques? Quel doit être le comportement de ces partis politiques? Quel doit être le comportement des pouvoirs publics? Au niveau des activités des partis politiques sur le terrain, ces derniers sont appelés à respecter la loi, à respecter l'administration locale et à se respecter mutuellement. Ça, c'est un devoir préliminaire parce que si vous ne respectez pas la loi, eh bien, vous allez vous heurter à l'administration qui va vous refuser la tenue de cette activité. Et si vous ne respectez pas non plus l'administration locale, c'est-à-dire faire ce qu'il faut faire pour l'administration locale, notamment informer en ce qui concerne l'activité, ça ne sera pas possible. Alors, se respecter mutuellement, c'est ce que nous appelons la tolérance politique. Se respecter mutuellement signifie que il faut accepter que les autres jouissent des mêmes droits que ceux que vous avez vous-même. Si vous avez la joie et le plaisir de tenir une réunion ou un meeting, il faut accepter qu'un autre parti fasse de même conformément à la loi. Parce que c'est la loi qui autorise ça. Et puis, autre chose à faire pour les partis politiques, c'est bien évidemment encadrer leurs adhérents, leurs militants, leur inculquer un esprit, ou plutôt une culture politique et démocratique basée sur la liberté, et l'égalité et la tolérance, comme je viens de le dire. Donc, c'est tout un tas de choses que les partis politiques doivent accomplir. Mais de l'autre côté aussi, les pouvoirs publics ont à faire, notamment, faire respecter la loi et appliquer la loi équitablement pour tous les partis politiques. Là où on disait qu'il y a certains partis politiques qui sont malmenés dans l'organisation de leurs activités, cela signifie que la loi est appliquée inéquitablement. Je n'ai pas entendu l'honorable Fersien de Burundi dire que le CNDD-FDD a été un jour malmené dans l'organisation de ses activités. Cela signifie que ce sont les autres partis qui ont été malmenés, et nous savons que peut-être 98% des administrateurs communaux, je ne sais pas si j'exagère, c'est 100%, je ne sais pas, sont du CNDD-FDD. Donc, les, voilà. les chefs de zone aussi. Les chefs de zone aussi. donc voilà. Donc, si nous parlons de l'administration communale, l'administration locale, ouais, nous évoquons le parti au pouvoir qui tient en main cette administration. Alors, et cette administration revient alors au parti. Parce que Félicien de Burundi a dit qu'il a reçu les rapports au sein du forum des partis politiques, mais on revient pour se poser la question, pourquoi ces rapports ne sont-ils pas peut-être parvenus à l'administration? Parce que ça se faisait sur le terrain. Il fallait donc que l'administration trouve très rapidement ce rapport, le plus rapidement possible, pas après 20 ans que ça se passe. Donc, c'est ça qu'il faut faire. C'est une synergie pour les partis politiques d'un côté, mais aussi pour l'administration de l'autre. Oui. Donc, il faut que l'administration se ressaisisse. C'est ce que Guassa va dire aussi. Oui, mais je dirais que nous sommes en état démocratique et nous marchons sur le principe de l'état de droit. Dans l'état de droit, il y a effectivement les droits et il y a les devoirs. En la matière, je dirais qu'il est plus que temps que les administratifs s'imbibent des lois parce qu'ils sont chargés de mettre en application ces lois et de les faire respecter. C'est un peu difficile que quelqu'un puisse faire respecter une loi qu'il ignore. C'est difficile à quelqu'un de pouvoir appliquer une loi lorsqu'il ne connaît pas la teneur de cette loi-là. Et à la matière, si nous avons une constitution, si nous avons une loi sur les partis politiques, une loi sur les manifestations et les réunions sur la place publique, tout administratif devrait connaître. Ça serait difficile de connaître tous ces textes de loi par cœur, mais tout au moins, les articles pertinents en telle ou telle autre matière devraient être comme un bréviaire qui le serait à tout venant. Et comme ça, ils pourraient alors exercer beaucoup plus pleinement leur rôle d'administratif qui sont chargés de gérer la société. Et dans cette société, justement, il y a une catégorie bien précise, la société politique qui est constituée par les partis qui ont des droits et qui ont des devoirs par rapport à la loi nationale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme l'a souligné le professeur, c'est que la culture de la tolérance doit être de mise dans les formations politiques et dans l'administration. Parce que, ici, je reviens sur ce qu'on a souligné, un administratif, il doit être au-dessus de la mêlée. Il provient d'un parti politique, je veux bien, mais il est là pour l'intérêt de toute la société. Une société multiforme, parce qu'on est dans le multipartisme. Et donc, lui, il ne va plus porter la casquette de militant lorsqu'il est préposé à des fonctions administratives. Il doit se dépasser d'abord. Il perd les gens à son parti, mais il est au service de toute une nation. Et donc, cette culture de tolérance doit commencer par les dirigeants eux-mêmes. Et il nous faut, en fait, cette acceptation de l'autre et des fois aussi nous faire la violence de l'exercice de l'empathie. Savoir se mettre dans la peau de l'autre. Est-ce que ce militant dans notre parti politique, si je le traite injustement, si c'était moi qui étais traité injustement, comment est-ce que je me sentirais? Et si on faisait de cet exercice-là, les choses s'amélioreraient de facto. Autre chose, c'est que, effectivement, puisque nous sommes régis par des lois, il faut avoir l'esprit d'équité lorsque on est administratif. Parce que la Constitution ne parle pas de grands ou de petits partis. Il reconnaît des partis. Donc, que les partis, quel que soit leur potentiel, il faut qu'ils jouissent des mêmes droits. Si le parti au pouvoir peut tenir des meetings librement, il faut qu'un autre parti X ou Y ait ce droit lui aussi. Si le parti au pouvoir peut fonctionner dans ses permanences ici et là, que les autres partis aussi puissent jouir de ce droit, et ainsi de suite. Et autre chose que je recommanderais alors, c'est que on essaie de sortir de cet état de fait où on est plongé déjà, un monopartisme de fait qui contraste avec les dispositions légales en vigueur. Donc faire cet exercice de se retirer petit à petit de cette façon de faire et de mettre en avant les lois et de mettre l'État en sa place et qu'on se rappelle chaque fois qu'on a une nation burundaise, un État burundais où l'on compte des diversités politiques et autres. Et que, justement, ces diversités-là constituent une harmonie lorsque on respecte la même loi et on l'applique de la même manière pour tout le monde. C'est ça que je peux dire par rapport à la question que vous m'avez posée. Oui, on ne voit que, toutefois, le verrouillage de l'espace politique. Mais quelquefois, on entend que dans des partis politiques, il y a des chicaneries politiques à l'interne. On entend que les moyens ne sont pas suffisants comme au niveau du CNDD, FDD. On voit toujours des démonstrations, Mbonera Kure Day, on voit des Bagumyabanga Day, tout consort. Est-ce qu'au sein du parti CNL, à part ce verrouillage de l'espace politique, il n'y a pas d'autres problèmes qui vont entrer? Très récemment, on a entendu qu'il y a eu que le torchon a brûlé. Est-ce que là aussi, ça ne serait pas un problème à l'interne? Oui, oui. Non, c'est normal dans toute organisation politique, dans toute communauté. Des gens peuvent toujours avoir quelques difficultés ou des incompréhensions. Mais ce qu'il faut, il faut plutôt affronter les problèmes qui se posent, dialoguer et trouver des solutions consensuelles. Donc, les difficultés sont vraiment inhérentes à toute vie sociale. C'est tout à fait normal. Mais ce qui est plus important, c'est la façon dont vous comportez pour mettre fin à des difficultés qui peuvent surgir un jour ou un autre. Ce n'est que normal, donc, dans toute communauté, dans toute société, que les gens aient des frictions entre eux, c'est tout à fait normal. Mais il faut toujours chercher à éviter cela. Il faut que le dialogue soit pérenne, non pas seulement dans les organisations, même au niveau national. Je me dis par exemple que la situation socio-économique qui prévaut dans le pays, par exemple, interpelle la conscience de tous les Burundais, ceux qui sont au pouvoir comme ceux qui ne sont pas au pouvoir, de se mettre ensemble pour voir ensemble comment on peut sortir de cette situation, par exemple. Oui, parce que la vie nationale, elle est nationale, mine de rien. Le parti au pouvoir, il a le pouvoir, oui, mais il gère une société. Et s'il y a malaise dans la société, c'est toute la société qui est interpellée pour trouver des solutions. Donc, le dialogue, c'est quelque chose de très constructif, je dirais. C'est quelque chose qui peut aider les sociétés à se renforcer, qui peut aider les communautés à se consolider. Et le dialogue ne doit pas venir uniquement lorsque il y a des difficultés énormes, mais chaque fois, il faut être proactif, il faut que le dialogue soit un principe à modus vivendi, si je puis le dire ainsi, pour toute organisation, pour toute communauté. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Félicien de Burundi, vous êtes président du Forum des partis politiques. Vous êtes aussi membre influent du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Dans des rapports qui vous sont transmis, est-ce que c'est ce problème de verrouillage de l'espace seulement qui vous sont transmis? Il n'y aurait-il pas d'autres problèmes? Dans les années passées, certains partis politiques disaient qu'ils ont besoin d'un fonds d'appui de la part du gouvernement. Oui, oui. Ce problème existe, le problème de fonctionnement. Mais au niveau de la Constitution, il y a un article qui dit que l'État peut aider les partis politiques à fonctionner. Alors, si les partis politiques s'adressent à l'État, l'État leur pose cet article. Dire peu ne peut pas dire, ne veut pas dire qu'on doit. Alors, c'est-à-dire qu'il y a soit disponibilité de fonds ou pas. Ou c'est un article qui a été mal écrit. Alors, à vous, alors, au cas où la Constitution serait, devrait être amendée, oui. Il faudrait amender cet article. Voilà. C'est un problème. Ils ont un problème de fonctionner. Ils pourraient avoir une dent contre le CNDD-FDD, puisque tous les membres du CNDD-FDD, ils sont dans les institutions, ils ont du boulot, et ils trouvent des cotisations, et le CNDD-FDD fonctionne seul. Bon, ça c'est une autre chose. Mais ils ont leur adeptes. Ils n'ont qu'à demander à ces adeptes, afin qu'ils cotisent. Quoi, ça pourra dire vous parlez que... de fonds de fonctionnement. Vous parlez des membres qui ne contribuent pas. Voilà. Ce sont des choses différentes. Des membres qui n'ont pas où puiser pour contribuer. En fait, c'est la question de la viabilité des partis politiques, en quelque sorte. Les ressources des partis politiques. C'est supposé que tous les partis politiques vivent des contributions des militants. Maintenant, l'état des lieux des citoyens, où trouve-t-il les fonds pour survivre et pour cotiser dans les organisations? Ça dépendait des statuts de l'un ou l'autre parti. D'où proviennent les ressources d'un parti politique? Soit contribution des membres, des partenaires ou des dons. Alors, il faudra multiplier des partenaires. Si vos membres sont incapables de contribuer, il faudra chercher ou avoir des dons. Et ainsi de suite. Est-ce que le FDP ne peut pas plaider pour que ce fonds d'appui au parti politique Le FDP le fait toujours. Lorsqu'il y a des rencontres avec le ministre de l'Intérieur, même avec le ministre des Finances et même à son excellence, monsieur le président de la République, nous le répétons souvent. Nous avons un budget de fonctionnement pour le forum. Nous essayons d'utiliser ce fonds en fonction des besoins des activités du forum. Voilà. Oui, au sein du parti Prona, il n'y a pas d'autre problème, sauf le verrouillage de l'espace politique à la base. Le parti Prona vit comme les autres partis, de part que c'est un parti qui a une longue vie par rapport aux autres. Qui a milité pour l'indépendance. Surtout. Oui. Surtout. Aussi, bon, les problèmes existent, mais ce n'est pas comme les autres partis politiques. Le parti parvient à vivre avec ses propres fonds. Oui, il est vrai pour la question de vie. Surtout, on interpelle les autres partis politiques à s'organiser et comme l'a dit honorable Félicien, c'est à travers les activités génératrices de revenus que les partis politiques parviennent à avoir un peu de fonds. Si nous nous sommes organisés, il y a des activités qu'on essaie de faire et d'autres partenaires que l'on cherche encore. Et pour question de vie, le parti politique Iprona n'a pas beaucoup de lacunes à ce qui concerne la satisfaction de ses besoins. Mosaïque. Nous sommes dans les 10 dernières minutes de l'émission. Je rappelle à ceux qui viennent de nous capter en cours de route que vous suivez l'émission Mosaïque. Nous sommes en train de débattre sur le rôle des partis politiques dans la gouvernance démocratique tout en insistant sur le droit à la tenue des réunions et meetings publics. Quelles sont, selon vous, les perspectives pour que le fonctionnement des partis politiques progresse vers la démocratie? Agathon Gouas. Pour que les partis politiques progressent davantage vers la démocratie, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Tout d'abord, il faut donner la préséance de l'État sur les partis politiques. Parce que nous sommes une nation, et une nation, c'est l'ensemble de tous ceux qui vivent dans cette nation, c'est l'ensemble de toutes les organisations qui exercent. Et à la matière, si nous avons opté pour une démocratie multipartite, il faut que le fonctionnement des partis politiques ne trouve pas d'embûche. Et si on a une trentaine de partis politiques, par exemple, il faut que tous ces partis politiques puissent réellement exister dans leurs activités, qu'on ne voit pas seulement un ou deux partis comme si on était dans un monopartisme ou dans un bicéphalisme politique, si je puis me permettre cela. Lorsqu'on nous demande de constituer le dossier d'agrément, on nous exige un certain nombre de membres fondateurs à travers tout le pays. Alors maintenant, on peut se poser la question, comment se fait-il maintenant qu'on crée un parti, on se dit vraiment national, et en cours de route, on se retrouve peut-être n'existant que dans une, deux, trois provinces. Parce que des fois, lorsqu'on va sur le terrain, on peut poser discrètement la question de savoir quels sont les partis qui sont à l'œuvre dans cette province. Parfois, on vous dit il n'y en a que 4, maximum 7. La plupart des partis politiques, on se trouve dans la capitale, Bujumbura. Ça, c'est un peu, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Pour notre démocratie, je crois que nous devrions peut-être nous organiser davantage, beaucoup mieux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la loi qui est là. Il faut la suivre à la lettre. Il faut la mettre en pratique. Donc, l'épanouissement de la gouvernance démocratique n'est pas synonyme de multitude de partis politiques. Non. C'est beaucoup plus la jouissance des droits de ces partis politiques. Et à la matière, il faut que l'espace soit effectivement déverrouillé. Il faut que le rappel à l'ordre fait par le ministre de l'Intérieur soit capitalisé et par l'administration et par les partis politiques. Deuxième chose, je ne ferai peut-être que répéter, il faut que la culture démocratique soit une préoccupation de tous les Burundais. Ceux qui sont dans les partis politiques comme ceux qui ne sont pas dans les partis politiques. La culture démocratique suppose beaucoup de choses. Premièrement, il faut l'acceptation de l'autre. Et si on accepte l'autre, on développe ipso facto la tolérance politique. Et troisième chose, il faut que le gouvernement puisse lui aussi se sentir interpellé par l'état des lieux. Si les partis politiques demandent toujours d'être soutenus par l'État, ce sont des institutions parmi tant d'autres, pas à la hauteur de l'exécutif ou des trois pouvoirs, non, mais quand même, si sous d'autres cieux, les partis politiques sont soutenus par le pouvoir public, pourquoi est-ce que le Burundi ferait exception? Je me dis que il y a des partis qui sont... Vous avez parlé d'élections. Si on ne se basait que sur les élections, ne fût-ce que soutenir les partis qui sont dans les représentations au niveau communal et au niveau national, leur donner à moindre budget, ça serait quand même déjà grand-chose. Ça pourrait même créer une jalousie positive chez les autres qui doivent quand même s'organiser mieux pour que la compétition démocratique ne soit pas juste pour la forme, mais que ce soit un véritable jeu démocratique où les gens puissent se concurrencer sur fond de programme. Et autre chose, c'est que le traitement équitable, je l'ai déjà dit, mais je dois le souligner, le traitement équitable des partis politiques pourra élever la nation burundaise. Et donc, il faut nous défaire de tout ce qui entrave cela dans la gestion administrative au niveau local et territorial, donc je veux dire provincial, pour que, effectivement, cette démocratie burundaise puisse faire cas d'école et que les autres puissent venir apprendre de chez nous. Oui. Merci beaucoup, Agathon Gwasa. Honorable sénateur Ernest Nahimana, vous êtes porte-parole de l'IPRONA. Quelle perspective pour que le fonctionnement des partis politiques progresse vers la démocratie? Oui. Ce que nous demandons aux partis au pouvoir et à l'administration surtout, c'est qu'il y ait des formations, des ateliers de formation, des administratifs, de la base jusqu'au sommet, pour que la loi soit comprise de la même façon, interprétée de la même façon. Deuxièmement, nous demanderions à ce que l'administration ne soit pas dominée par les membres des partis politiques, surtout au niveau local, au niveau à la base. Il faut que l'administration soit à la hauteur de ces partis politiques afin de pouvoir les réconcilier en cas de conflit. Vous parlez de postes techniques ou de postes politiques? Politique. Politique. Troisièmement, les problèmes se passent surtout à la base. Et la réglementation de ces problèmes se font pour la plupart au sommet. Mais il y a moyen d'organiser au niveau provincial qu'on mette sur place un conseil formé par les différents membres des partis politiques, afin que les problèmes qui se posent à la base soient réglés au niveau provincial. Et ça sera vite fait, et ça va avancer, permettre l'avancement des travaux de ces partis politiques. Et en dernier lieu, c'est la facilité de l'acquisition, surtout pour les membres de nos partis politiques. Dans l'exclusion au niveau local, on leur dit que dans certains milieux, on dit que il n'y a plus de membres des autres partis politiques. On essaie d'écarter les autres membres des partis politiques, à chercher à ce qu'on les intègre, on les recrute par force, qu'on laisse la liberté aux gens d'appartenir à leur parti politique de choix. Voilà. Si cela se passe, ça serait vraiment de la justice. Oui, honorable Félicien de Burundi, président du FDP et membre du parti au pouvoir, quelles sont les perspectives selon vous pour que l'on progresse vers la démocratie? Alors, il faudra songer au renforcement des capacités, tant au niveau des autorités administratives à la base, qu'aux différents membres des partis politiques. Cela vraiment, c'est par rapport toujours à la tolérance. Donc la vulgarisation La loi. Oui, oui. Vulgarisation de la loi, des ateliers de renforcement des capacités. Mais au niveau du forum, je proposerais qu'on pourrait faire un échantillonnage. Se rendre dans une province ou dans une commune ou sur une colline où l'espace politique dit verrouillé. Faire une démonstration. Tous les partis politiques, on sera là-bas. On invite tous les administratifs de la localité. On invite toutes les autorités du parti au pouvoir dans la localité. Et on fait une réunion de démonstration. Ça pourrait changer quelque chose dans l'esprit des différents autorité à la base. Voilà. Donc cela, et nous le ferons. Ça sera vite fait par le FDP. Oui. On va mettre ça dans notre plan d'action. D'accord. Docteur ambassadeur Denis Bachimius, professeur de sciences politiques à l'Université du Burundi, spécialiste des partis politiques et des élections. Quelles sont les perspectives que vous proposez pour que l'on progresse vers une vraie démocratie au Burundi? Même si on reste avec quelques réserves sur l'importance de la correspondance du ministre, il faudrait quand même saisir cette opportunité et demander au gouverneur à qui cette correspondance a été adressée d'essayer de suivre rigoureusement ce qui a été donné comme ordre par le ministre. Donc les gouverneurs sont appelés à prendre le devant pour mettre en application scrupuleusement ce qui a été demandé par le ministre de l'Intérieur. Et de cette manière, on saura que les activités des partis politiques seront sécurisées de la même manière, donc équitablement. On pourra savoir que les administratifs à la base vont faciliter les activités de tous les partis politiques au niveau local. Et on pourra aussi savoir que petit à petit va s'acquérir, va s'implanter la culture politique et démocratique au sein des différents membres des partis politiques et qui aboutiront donc à la tolérance mutuelle. Voilà. Voilà, espérons qu'on n'entendra pas des heurts des membres du parti politique. Ben, c'est tout serait de tout. Personne. Voilà, c'est sur ces perspectives que se referme cette émission. Professeur Denis Vanchimouyoussa, docteur ambassadeur et spécialiste des partis politiques et des élections, merci d'avoir participé dans Mosaïque. Je vous remercie de votre invitation. Je remercie les compatriotes avec qui nous étions autour de ce plateau. Je remercie aussi ceux qui nous ont suivis et je vous promets que si vous m'adressez encore une fois une nouvelle invitation, je répondrai de tout mon cœur. Merci beaucoup. Nous étions aussi avec honorable sénateur Ernest Nahimana, porte-parole du parti UPRONA. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi à tous les auteurs de cette émission. Nous étions aussi avec honorable Félicien de Burundi, membre du parti au pouvoir et président du FDP. Merci honorable d'avoir participé. Et je vous remercie moi aussi de m'avoir invité et je remercie tous mes collègues avec qui nous étions ensemble. Et à tous les auditeurs et auditrices. Nous étions aussi avec honorable Agathon Gwasa, président du parti CNL. Merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. Merci à mes collègues avec qui nous avons eu un bon échange sur le plateau de la radio de Isanganiro. Et merci à tous les auditeurs et auditrices de la radio de Isanganiro. Merci, chers auditrices et auditeurs, d'avoir suivi notre émission avec attention. à la cabine technique. Nous étions avec François Akimana, Innocent Rivonimana était à la prise des images. À la réalisation, c'était Désiré Boukeneza à l'animation de ce débat. Vous étiez avec Variste Nzikobanyanga. Les émissions continuent sur les ondes de la radio Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.